Vous allez bien, hein? Oh, applaudissez les enfants qui rentrent parce que ce soir, c'est aussi la fête des enfants. Oh yeah. C'est la fête des enfants, les enfants vont chanter. Pour aussi se souvenir de tous les enfants dans le monde entier qui ont besoin d'une main tendue. Alors ils ont voulu ce soir aussi participer. C'est si facile de fermer les yeux quand tout va mal tout autour de nous, pour ne pas voir celui qui attend et continuer à vivre sa vie. Puis on se dit que tout va bien, oui c'est la vie qui veut ça. Chacun la prend comme elle vient, personne ne peut rien changer. Et pourtant, un enfant, depuis longtemps, nous attend, dans la poussière d'une rue oubliée, d'ici ou d'ailleurs, il nous attend. Qui est plus fort que celui que tes yeux voient, mais c'est avec des sourires d'enfant qu'on le fait briller. Oh. Et pour toi, un enfant, depuis longtemps, nous attend. Il nous attend.